Je suis chanteur ténor dans le groupe Zéro Langa Langa. Je vous lis dans Zéro Langa Langa. Cette fois-ci, je vais vous surprendre avec un titre là, 6 mois de silence. Et présent, je serai à m'accorder. Ceci, c'est son rumba. C'est bien, c'est bien le bien qui veut chanter ça. Moi, je m'appelle l'acolyte. L'acolyte veut dire quand le volcan est en ébullition. 6 mois de silence. Et ghetto yé yé, y'a clète mi paramo. Y'a ta mona maman, y'a consommé son yanga lote ma Claudine et quinoa. La lotie longi na yo boutou mon bimba, noto ya bolimo, ya marino maya, na katia rêve to balani. Nyokwa mana makanisi ya bolingo ya kosongiso yanga motema kino akoline na mwa bolingo yo pesa kakai e triple bon fima nga ya yo M16 Roger Kamalabo 6 mois de silence sur les kisi clotine. Sika nanga wapi na motema na yo. Il paraît que zalaka na mobali na bana na poto. Na yeba lobelanga kinwa soki obala. 6 mois de silence sole ki si clotine. Sika nanga wapi na motema na yo. Il paraît que zalaka na mobali na bana na poto. Na yeba lobelanga kinwa soki. Naïba, naïdique, motena, n'engue pas l'ingo et cotine. Yon Jean-Pierre, l'ange gardien. Nani abonne la cotine, Ali Kangaï. Nonon yemba chico, zikianda boyo kangama. Nasala kako se kamoto soki baboye. Et comme l'inga de l'ona tinga mira cotina. Amela Thomas. Ma commissia migi na bale a Paris, pay a Londres, na Bruxelles. O kabaka mingi kasina sengi yo mo solo teo. Kaka bolingo oyo ezo tungi sanga Sylvain Kilwa. Manga y pelo. Kes Maluki Tala Maxime Kimani Roger Malon Sina sengi omo solo teo Aka bolingo oyo Ezo tungi sana mama Rodine La Dublin Raf Kalem Jusse Fokpe Hollande Koko Moutique Wabiti Madonna Marino Marie Zambo Pembo